wonder. Everything you do, make me wonder, wonder, yo. Baby, girl, I got it. Je ne veux pas que tu t'enchaînes. Mais je la veux quand même. Faut que tu donnes le go. Peu importe où ça mène. So, so, so. Elle aime trop sa mitamienne. Mais quitte slow, slow, slow. Tout ça c'est dans ma tête. J'imagine la belle vie. J'ai mon jack-tage, je ressens. Que toi tu veux me faire la belle. Tu veux me faire la zermi. Calme down, redescend. Tout ça c'est dans ma tête. J'imagine la belle vie. J'ai mon jack-tage, je ressens. Que toi tu veux me faire la belle, tu veux me faire la zermi. Calm down, redescend. Oh Wanda, Wanda, yeah. Moi j'ai l'habitude de prendre sur moi, ouais. Wanda, yeah. Oh Wanda, Wanda, yeah. Moi j'ai l'habitude de prendre sur moi, ouais. Wanda, yeah. Slow, slow, slow. Technique mais je la veux quand même. Club Lanja, dans un musical thème, Ninja. Dis-moi si tu veux live maintenant. Je laisse fumer dans le ciel, Kenja. Range-moi tout ça, entre nous ça reste un secret, tu le sais. Oh, oh, j'ai fait trop de ça, pour ça qu'avec toi j'ai pas de succès. À la fin de tout ça, je suis seul. Et si jamais j'ai mal, tu le sais pas. Tu me dis que t'es pas prêt, tu es le seul. J'ai jamais fait partie ton schéma. Jamais fait partie de ton schéma. Jamais fait partie de ton schéma. Oh Wanda, Wanda.